La lune éclaire encore quand je me lève, d'emblée ça se passe mal. Je marche dans les rues sales, seul, le soleil fait la grasse mat. On vit au jour le jour, pas de panique, s'il y a pas de planning, pas de pas de gamme. J'rappe pas pour impressionner 3 ou 4 gamines. J'ai pas de canine, mais les crocs d'un loup d'Alaska. J'taffe sans que ça me lasse, car j'rêve du confort d'un palace classe. J'suis toujours à la case départ, mais j'ai jeté les dés. J'avance mon pion, j'accumule CDD pour bien fêter cet été. Pas d'RTT, un jour férié, j'marche à l'instinct. Ça craint, j'galère dans le train pendant que les pales trinquent, trinquent. Pris de court, les flics se bourrent et de course au gomme cogne. Une vie à 100 à l'heure, j'crois que ça pose le retour au tom-tom. L'école donne des leçons, mais on retient que les textes rap ou le nom du footballeur qui testera des gestes rares. C'est vrai que je râle et que je rame avec mon stylo plume. J'mise sur l'écriture pour que mon buzz prenne de 3 kilos. Souvent pris de court et pris pour cible. La plupart pris pour s'en sortir le plus vite possible. Parfois oui je cours quand les soucis me poursuivent. On se fout des beaux discours, faut des sous ici pour vivre. Souvent pris de court et pris pour cible. La plupart pris pour s'en sortir le plus vite possible. Parfois oui je cours quand les soucis me poursuivent. On se fout des beaux discours, faut des sous ici pour vivre. Sur le loyer y'a pas de ristourne, donc on prend des risques tous les jours, des petits coups en attendant que nos disques tournent. Je veux pas me noyer, y'en a qui se coulent. Trop de filles couchent, les hommes se disent fidèles, mais se suivent la ficelle du string rouge. Depuis que je suis petit, je bouge, car je suis pas un fils de bourge. J'agis et ça vaut mieux qu'un discours, petite pouffe. Les gars jouent des caïds, car faut qu'ils prouvent. Mais quand ils se trouvent devant leur meuf, ils disent ouh, ouh. Moi je suis en studio la nuit et le jour. Au lieu d'écrire un livre, je me livre à mon meilleur ami le jour. Je vis à Paris, je cours, car le temps est précieux, la vie court. Je suis pas dans le sillon, les autres, j'ai ma petite route. Je suis pris de court, je trouve l'an 2000 ouf. Les fils broutent, y'a plus d'amour, y'a que du vide couille. J'ai faim et je me contenterai pas d'une petite bouffe. Je lâche pas ma part, j'ai la mâchoire d'un pitbull. Souvent pris de court et pris pour cible. La plupart pris pour s'en sortir le plus vite possible. Parfois oui je cours quand les soucis me poursuivent. On se fout des beaux discours, faut des sous ici pour vivre. Souvent pris de court et pris pour cible. La plupart pris pour s'en sortir le plus vite possible. Parfois oui je cours quand les soucis me poursuivent. On se fout des beaux discours, ouais, faut des sous ici pour vivre. Parfois ça sent le chaos, mais je tomberai qu'au cas où on m'a vendu. Et je compte pas rester sur le banc de touche comme Calou, bonne aventure. Attends-tu, croyais peut-être que tu ferais de l'argent sûr. Mais ce milieu est pollué comme la plupart des plages dans le sud. J'écris des pages et des pages dans le sud. Des centaines de faces dans le fut. On plane et pour la descente y'a pas de plan de chute. À 23 ans je taffe jour et nuit dans un restaurant. J'avoue que j'aspire à mieux que faire le guignol dans une veste orange. Je reste au rang de simple citoyen, riche d'idées mais tellement dur d'y accéder avec de petits moyens. On m'a dit petit t'y vois rien, l'état nous carotte tous. Et les petits fonds recettent très jeunes en bicravant de la drogue douce. C'est flou et ça m'inquiète comme quand ma taronne tousse. On se tourne les pouces, on se dit qu'faut qu'on profite avant qu'on trouve l'épouse. Tout s'écroule quand je vois qu'en avant ils mettent tous ces clowns. Et le rap avancera quand de ses pieds on enlèvera tous ces clowns. Souvent pris de court et pris pour cible. La plupart pris pour s'en sortir le plus vite possible. Parfois oui je cours quand les soucis me poursuivent. On se fout des beaux discours, faut des sous ici pour vivre. Souvent pris de court et pris pour cible. La plupart pris pour s'en sortir le plus vite possible. Parfois oui je cours quand les soucis me poursuivent. On se fout des beaux discours, faut des sous ici pour vivre.